J'irai pas manger un steak en or chez Nusret. Rentrez pas dans ma tête, ma vie discrète. Rayon, je regarde dans mon assiette. Rien à foutre de la tienne, j'suis loin des petites reines Z. J'suis loin de tout ça, veux pas mourir dans le film. La rue très infirme, point ça se fume. Tout ça pour la frime, y'a la fin du film. Perdu dans la brume, ma vie ne tient qu'à un fil. Maman, désolé pour les tracas. Fit bandit, pleure pas, c'est pas moi qui suis dans le brancard. L'espoir meurt au placard. T'inquiète pas pour moi, j'sais danser dans le noir. Danse dans la brume, chante l'amertume. Enfant des dunes, elle fait danser la plume. Malgré les coups de massue, hors la loi et j'assume. Rio, Pequerito 04, Casanegra, j'suis marocchino. Un roi n'a pas d'amis mais des adversaires. Rendez-vous pour la fiesta sur Jupiter. Rentrez pas dans ma tête, rentrez pas dans ma tête, rentrez pas dans ma tête, rentrez pas dans ma tête, rentrez pas dans ma tête, rentrez pas dans ma tête, laisse-les croire que je suis bête, laisse-les croire que je suis bête, ouais ouais ouais. Rentrez pas dans ma tête, rentrez pas dans ma tête, rentrez pas dans ma tête, rentrez pas dans ma tête, rentrez pas dans ma tête, laisse-les croire que je suis bête, ça sera ma vie perpète, ouais ouais ouais. Un tout petit peu heureux mais j'en ai pas l'air. Rentrez pas dans ma tête, y'a plein de galères. J'aurais pas percé, ça me donnerait pas l'heure. Elles se prennent mais s'achètent pas les valeurs. 14 janvier 90, né à Marseille, d'origine Corsica. J'écoute FF psychiatre, j'traîne avec des gens qui ont des couteaux et des mzingas. Ça veut péter le bingo, ça rend fou la flicaille. Ils sont pleins de coups en traître, après ils reviennent. Donc je leur parle plus à vie pour qu'ils retiennent. Vite de fou de merde, je vois même plus la mer. Faut que je vois plus mon père, ouais, faut que je vois plus ma mère, ouais ouais ouais. Rentrez pas dans ma tête, mon pète et ma canette. Ce soir je fais la fête, même si je suis seul, je vais plus donner de nouvelles à ceux qui m'ont fait du mal. Plutôt solidaire. À la base je voulais faire monter tout le monde avec moi, mais j'ai fini solitaire. Quand on peut rien faire, on fait avec. Enferme mes potes, ils feront les becs. Ils sortiront, ils seront pas à sec. Parce que c'est des hommes, ils ont pas besoin que tu les aides. Tu les croiseras un chien ou un RS3 break. Rentrez pas dans ma tête, rentrez pas dans ma tête, rentrez pas dans ma tête, rentrez pas dans ma tête, rentrez pas dans ma tête, rentrez pas dans ma tête, laisse-les croire que je suis bête, laisse-les croire que je suis bête, ouais ouais ouais. Rentrez pas dans ma tête, rentrez pas dans ma tête, rentrez pas dans ma tête, rentrez pas dans ma tête, rentrez pas dans ma tête, laisse-les croire que je suis bête, la zone femme à mi perpète, ouais ouais ouais. Puis que les meilleurs sont partis, il pleut des balles, j'ai sorti le parapluie. Sont venus d'un terre les pires ennemis. La nuit c'est dangereux, papa m'a averti. La vie sur le fil, les affaires Marbella. Y'a plus de lumière sur la luna. On a connu miseria. Tu fais wellou sur la moula. Rio, tu veux t'approcher du soleil. Tu vas plus jamais retrouver le sommeil. Écraser les autres pour le sommet. Y'a le mauvais œil qui nous surveille. Parle 5 minutes avec eux, tu perds l'auto. Mes potes veulent pas être sur les photos. Trahison, coup de couteau, c'est toujours dans le dos. Rentre pas dans ma tête, reste assis, rentrez moi je me lève ma tête. Rentrez pas dans ma tête, rentrez pas dans ma tête, rentrez pas dans ma tête, rentrez pas dans ma tête, rentrez pas dans ma tête. Laisse-les croire que je suis bête, laisse-les croire que je suis bête, ouais ouais ouais. Rentrez pas dans ma tête, y'a peut-être des choses qui vont vous choquer. Hein. Nespil, tu. Ne rentrez pas dans l'enquête. Hein? Laisse-les croire qu'on est bêtes.